rap ce soir pour vous dire combien je souffre de vivre loin de mes potes. J'aimerais tant vivre tranquille, mais c'est fou comme la vie est une horreur lorsqu'on vit dans une cité à haut risque où chaque seconde tu risques ta vie. Car ici, pour un regard, ça dépouille ou ça te crève sans remords. C'est ça la vie de ma thèse qui souvent se finit en gardaille. En Essonne, plus particulièrement à Ligraille, le vie est plus dur chaque jour qui passe, surtout quand on vit loin de la graille. Car nos parents n'ont pas le cash pour nous faire plaisir et subvenir à nos envies. Frère, écoute ton cœur, fuis les murs du ghetto pour vivre loin de la rancœur. Sois toi, prends soin de ta mère, il te fout pas dans ma merde. Frère, chaque jour je remarque comment je sombre dans la haine, je perpétue ma douleur. Je sors de la lumière, je vais dans l'ombre de la rue qui m'accueille sans aucune peur. Ma mère pleure mes conneries et je m'en mords les doigts de la faire souffrir. Car ma mère c'est toute ma vie, donc si elle part j'aurai plus de raison de vivre. J'aimerais tant mieux crever que rêver comme un chien plutôt que de la voir s'ouvrir les veines. Car elle seule m'a éduqué avec soin, c'est à moi d'éviter sa peine. La rendre heureuse c'est mon devoir, ce n'est pas un droit car en tant que fils je me dois de garder l'espoir. Car l'espoir fait vivre, ouais, il fait vivre. Frère, écoute ton cœur, fuis les murs du ghetto pour vivre dans la rancœur. Sois au top, poteau, prends soin de ta mère, il te fout pas dans la merde. Écoute, quand je vois comment la vie est chaude dans la cité du crime, Grigny Hood, le temple de la débauche, mais aussi la vie de la rue. Car ici, c'est soit t'es fort, soit tu crèves. La loi de la rue remplace le code pénal. Et Sarko et ses lois brisent nos rêves de réussir en dehors de nos remparts. Nous, ce qu'on veut, c'est réussir, que ce soit dans le rap ou dans le travail. On veut juste que nos vies soient tranquilles, belles et posées avec la maille. Mais c'est pas en vivant ici qu'on a le plus de chance pour réussir nos vies. Car l'État fait que nous dégoûter de la France et ses réformes nous nuisent. Ouais, ses réformes nous nuisent. Yeah. Frère, écoute ton cœur, fuis les murs du ghetto pour vivre dans la rancœur. Sois au top, poteau, prends soin de ta mère, il ne te fout pas dans la merde. Frère, écoute, je te demanderai juste une chose, ne vends pas de chine et ne fume pas de drogue pour faire pas une overdose et finir dans un cercueil à la mort. Gagne ta vie honnêtement, même si le style n'y est pas, c'est mieux que la délinquance qui t'emmènera au placard. Donc essaye de ne pas nuire à ta propre vie pour pouvoir être fier de toi. Car si t'es fier de ta réussite, ta famille sera près de toi et vous pourrez vivre tous heureux, loin des douleurs du ghetto, mais près d'une vie harmonieuse qui sera la tienne, poteau. Ouais, ce sera ta vie, poteau. Frère, écoute ton cœur, fuis les murs du ghetto pour vivre loin de la rancœur. Sois au top, poteau, prends soin de ta mère et ne te fous pas dans la merde.